France Musique. The next stop is 42nd Street. Come here, Vinny. Laurent Vallière, 42e rue. Bonjour à tous. Durant le confinement, il nous a fait oublier nos soucis sur la 42e rue. Chaque semaine, il nous donnait des leçons de claquettes et nous prouvait qu'il était possible avec ses pieds de balayer un moment anxiogène. Alors pour la fête de la musique, on avait envie de le remercier et de mieux découvrir sa science qu'il enseigne ici depuis des années à Paris. Bonjour Victor Cuneau. Bonjour Laurent. Vous nous accueillez dans votre salle de classe. On est entouré de boîtes de chaussures presque roses toutes, c'est très étrange. On est vraiment dans un film de comédie musicale. Oui, si on veut que la comédie musicale soit rose, c'est peut-être la française, mais pas tellement l'américaine. Et les boîtes sont aussi argentées, rouges, noires, mais il y a beaucoup de roses. Et en tout cas, il y a beaucoup de chaussures, de claquettes, vous allez nous les montrer tout à l'heure. Merci de nous recevoir dans votre école de claquettes, Swing Tap, c'est à Paris, dans le quartier de la Bastille. Victor Cuneau, vous avez consacré votre vie à l'art des claquettes de bal à New York. Vous êtes danseur, pianiste, compositeur, chorégraphe. On a vu votre fils qui a bien grandi entre-temps dans The Voice et Super Kids. Et vous avez créé des chorégraphies pour Isabelle Georges, pour Antoine Decaune, lorsqu'il dansait sous la pluie au César. C'était vous qui lui aviez montré les pas et qui le doubliez d'ailleurs en coulisses, si je ne me trompe pas. Tout à fait, oui. Et vous donniez aussi des cours de claquettes au Grand Palais avant Chantons sous la pluie. Et aujourd'hui, c'est vous qui prenez les commandes de 42e rue. Vous avez déniché pour nous une collection de moments rares de claquettes, à commencer par un numéro à 3, avec Gene Kelly qui accueille sur scène Danny Daniels et Alex Romero. On est en 1978 et Gene Kelly explique « Ce que nous allons faire, c'est un numéro de précision tape. Trois corps, trois têtes, six pieds qui bougent en parfait unisson. Le danseur et chorégraphe de film Alex Romero et le chorégraphe Danny Daniels. » What we're going to do is a precision tap. Three bodies, three heads, and 6 feet moving in perfect unison. To my right, the noted dancer, choreographer of many motion pictures, my friend Alex Romero. And to my left, the man who almost single-handedly or single-footedly brought about the resurgence of tap dancing in America, our choreographer Danny Daniels. Are you ready, gentlemen? Now for a little music. Bet you can do it. Ce sont deux moments formidables que vous nous avez fait découvrir, Victor Cuneau. Un instant, Eleanor Powell dans Lady Be Good de George Gershwin, maîtresse des claquettes, qui tape des pieds, qui danse, admirée par son chien, qui fait des pirouettes. Lui saute dans ses bras, elle tend la jambe, il saute par-dessus comme s'il s'agissait d'une haie. C'est un numéro de dompteur, de domptrice en fait, avec des percussions. Je ne veux pas savoir combien de temps ça a pris pour mettre ce genre de numéro au point. Parce que le chien fasse exactement les pirouettes quand même. En rythme avec les claquettes, on ne peut pas tricher. C'est pas juste de la danse où on fait un peu plus lentement, etc. Il faut que le chien fasse son tour sur 8 ans et l'autre dans l'autre sens sur 8 ans. Donc, et il le fait. Et il le fait, c'est parfaitement synchrone avec la musique. Et vous me disiez, pendant qu'on regardait l'extrait, que ça a été tourné chez Eleanor Powell parce que sinon le chien ne voulait pas jouer. Mais c'est-à-dire que le chien était habitué à un certain espace et à une certaine lumière et avec sa maîtresse, elle a travaillé ce numéro-là. Donc après, c'était pas possible de le mettre en studio sous les gros projecteurs, tout avec la technique. Donc on voit d'ailleurs que c'est filmé assez simplement. Donc ça peut être tout à fait véridique que ça a été filmé chez elle avec son chien. Alors on a eu droit à deux styles de claquettes différents là. On a eu droit, alors ma prononciation est affreuse, mais je crois que ça y est, je le tiens, du toe and heel, pointe et talon, ça c'était ce qu'elle faisait. Et auparavant c'était le soft shoe. Le soft shoe. Alors c'est quoi la différence? Expliquez-moi. Alors la différence. Vous pouvez vous lever si vous avez envie de. Ah ben je vais pas me gêner. Vous allez voir. Donc le soft shoe, c'est de la musique lente, hein, qu'on a entendu. C'est un peu lent, des fois un peu lyrique. Ouais. Le rythme est très ternaire et le toe and heel est très binaire et très rapide. Je vais vous faire un petit exemple. Alors, le soft shoe. Souvent, ça se fait sur T for two. Ouais. Par exemple, here, tida, tidi, tida, doudou, tidi, doudou, doudou, doudou, tidi, etc. C'est cool. On joue. Souvent, ça se fait à deux, etc. D'accord. Le toe and heel est beaucoup plus rapide. Ouais. Et donc, toe, la pointe, ouais. Heel, le talon, c'est un jeu entre pointe et talon qui ne saute pas beaucoup. C'est beaucoup plus à ras du sol, mais ça bouge quand même. Et donc, ça fait à peu près ça, pour juste un petit pas de base. On entend très bien la pointe et le talon. Rien qu'à l'oreille, c'est clair. Comme ça, ça a l'air très simple. Mais j'ai l'impression que c'est juste que vous bougez le talon et la pointe à peu près plusieurs fois par seconde ou un truc comme ça, non ? Oui, c'est à peu près ça, oui. Après, il faut juste se mettre d'accord dans quel ordre, hein, et quel pied fait le talon et quel pied fait la pointe, et le tour est joué. Mais c'est un peu ce que vous avez appris pendant le confinement, hein. C'est quand vous nous avez appris à marcher. Pointe et talon, oui, talons, ou talon et pointe. Oui, oui, tout à fait. On peut vous réécouter. pendant l'émission du confinement. Je crois que c'était Happy Feet numéro 1 ou Happy Feet numéro 2, je ne me rappelle plus. Tout à fait. Ouais. Vous avez beaucoup parlé de Gene Kelly durant le confinement, lorsqu'on était avec vous, Victor Cuneau. Mais vous avez une autre idole qu'on connaît moins bien en France, qui s'appelle Ray Bolger. Il est surtout connu pour son rôle de l'épouvantail dans Le Magicien d'Oz. Là, vous avez choisi un titre qui s'intitule Who ? Qui c'était Ray Bolger ? Et là, quel style il va utiliser dans cette chanson ? Alors, Ray Bolger était un danseur qui ne visait pas l'excellence technique en soi. C'est-à-dire, il ne cherchait pas à être le plus rapide au monde, etc. Mais c'était un comédien, et c'était un comique, et un chanteur. Donc, l'interprétation, chez lui, est aussi importante que tout le reste. Et on peut qualifier son style de claquette, style claquette comédie musicale. Ah, beaucoup de gestes, rythmiques absolument compréhensibles pour tout le monde. C'est rapide quand même, hein, tu savais très très très bien faire les claquettes. Mais encore, il ne faisait pas des claquettes pour la prouesse, il faisait la claquette pour interpréter un rôle. Et c'est ce qu'il fait, là, dans l'extrait qu'on va voir. Et entendre. Who stole my heart away? Who makes me dream all day? Dreams I know can never be true. Seems as though I'll ever lose. Who means my happiness? Who should I answer yes to? Well, you ought to guess who, who, no one but you. Thank you. You don't need a steed to be a cowboy. You're not a hero just by galloping off in the sun. What you really need to be a cowboy, fearless, keeping bandits trembling on the run. It's a red rider carbine action BB gun. All right, class, I have your Christmas themes graded for you. I held my breath as I stared at my paper. I knew the multiple pluses would be fairly dripping to the floor. But there was only one plus! C plus! Take him away, boys! C plus! Not an A, not a B, but C plus! Hey! Meet the gal who makes the grade. Here she comes to serenade. Who can pace the polished wheels? Ladies and gentlemen! Your theme was good for a laugh. You shoot your eye out. You're barely 9 and a half. Don't shoot your eye out. Seems like your big dreams ought to be left on the shelf. Why aim for the sky? If you're not careful, kids, you'll shoot yourself. I'm sure you're sick of my spiel, but you'll shoot your eye out. And oh, but a real good try. I'm at that cute regret retina, little bullet wreck your retina. You'll shoot your extraits de Claquettes, comédie musicale choisie par Victor Cuno aujourd'hui sur la 42e rue. Là, c'était Caroline O'Connor, You'll Shoot Your Eye Out, un extrait de la comédie musicale A Christmas Story, c'était à Broadway en 2013. Un numéro typique de comédie musicale. Pourquoi vous avez choisi, elle n'est pas connue, hein, cette comédie musicale, et ce numéro, je ne l'avais pas vu. Pourquoi vous avez choisi ce numéro? Je trouve la musique très sympa. J'adore le mélange entre introduction parlée, c'est là, ça le typique de la comédie musicale, on commence avec une scène parlée qui donne une introduction musicale, hop là, quelqu'un commence à chanter, la chanteuse principale, donc Caroline O'Connor, elle va dans les coulisses, elle se met en vamp, elle revient, elle se découvre, autour d'elle ça fait des claquettes, ça fait quelques petits pas de jazz, et elle chante sa chanson très rentre-dedans. Et il y a le petit garçon qui commence à faire ses claquettes. Alors là, vous m'avez dit, il n'est pas super en rythme. Vous aviez l'oreille. Hein, qu'est-ce qui n'allait pas dans le solo du petit enfant ? Je ne veux pas dire que ça n'allait pas. Simplement, disons, la cohérence musicale de ce qu'il fait n'est pas tout à fait évidente. Parce qu'il fait ce qu'il sait faire et il le montre. Et donc, un peu pêle-mêle. Mais Vu la réaction du public, ça marchait très très bien. D'accord. Alors pour finir après, évidemment, on reprend tout ça avec les chœurs et encore un petit pas de claquette et on a un bon final de numéro. Et là, ça vous envoie au paradis, ce genre de numéro? Ben, c'est ce genre de mélange-là qu'on affectionne à Broadway. Et il faut quand même dire, ça satisfait des millions de spectateurs. Donc ça doit être quand même quelque part bon. Même s'il y a des discussions sur la qualité véritable des claquettes comédies musicales, desquelles je suis absolument fan. 42e rue, Laurent Vallière, France Musique. 42e rue à Swing Tap, on a installé nos micros de 42e rue dans votre école de claquettes Victor Cuneau. Ah oui, il y a des gens qui trouvent que les claquettes de comédie musicale, c'est pas, pour les puristes, c'est pas aussi bien que les vraies claquettes. Mais ça dépend de quel côté on met déjà les puristes. Pour moi, ce qui est important, c'est que à travers la technique des claquettes, on voit l'être humain. Que l'être humain soit présent et qu'il interprète les claquettes. Après, évidemment, quand il y a 100 ans, on faisait 3 sons. Il y a 50 ans, on faisait 4 sons. Et après, on faisait 5 sons. Et toujours avec le même pas, on faisait 6 sons, 7 sons, 8 sons. Et on peut presque aller à l'infini. Mais plus on fait du son avec un seul pied, par exemple, plus le mouvement se réduit. Donc, les claquettes comédie musicale font un savant mélange entre technicité et mouvement expression. Et c'est dans ce sens-là que je qualifie Ray Bolger d'un danseur de comédie musicale. Ses pas étaient relativement simples. Il avait aussi quelques trick steps pour impressionner les gens. Mais il faisait beaucoup de choses à partir du waltz clog, qui est le vieux pas de valse. Je peux vous le montrer, hein, c'est très simple. Vous allez entendre pas de valse. Hein. C'est 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vous prenez ça sur une musique de 4 temps et hop là, c'est parti pour la comédie musicale. Alors, puisque vous êtes debout, là, on va entendre un des pionniers des claquettes. Il s'appelle Bill Robinson. Mm-hmm. Vous avez choisi un moment en 1935 à la radio. Oui. Comment on peut dépeindre avec le son, son style? Qu'est-ce qu'il a inventé? Alors, Bill Robinson, c'est très spécial. Bill Robinson, quand il était connu, il avait déjà plus de 50 ans. Ouais. Donc, une grande carrière derrière lui. Et en fait, son style de claquette, c'est le style de claquette de 1910, qui avait la particularité que c'était surtout sur la pointe des pieds. Pratiquement pas de talons. Mmh. Évidemment, de temps en temps, un petit plat pour bien accentuer une fin de phrase, un début de phrase. Mais son son était perlé. Il était connu pour ça. Un son perlé et une musique toujours super bien arrangée pour qu'on entende bien ce qu'il fait. Alors, ça donne quoi avec vos pieds? Avec mes pieds, ça veut simplement dire que quand je fais donc le time step en lourd, ça fait ça. Ah, je vais trembler les meubles là. Quand on fait style Bill Robinson, c'est donc sans aucun talon. Par rapport à... C'est beaucoup plus perlé. Et lui était le roi de ça. Et ben on va l'entendre. En 1935, le présentateur l'annonce comme l'homme qui parle avec ses pieds. Thank you. you seem at home on the court. Let's say that I've played around. Well, you don't look like the sort. My hidden talents abound. A competitor hasn't been found to defeat me. I bet you're a real good sport. Shall we say the ball is in your court? I bet you like to play rough. I like to work up a sweat. And you just can't get enough. I'm good for more than one set. But I promise I'll show no regret if you beat me. My backhand is clearly my forte. Shall we say the ball is in your court? No one ever plays with me. I thought your next of kin did. My husband never plays with me. He's too easily winded. You leave me breathless too. Wait till our match is through. I may lack form and finesse, but I warm up in a jiff. It's not exciting unless the competition is stiff. I think I understand your racket. I'm not in your league. But you can hack it. This game commences with love. Well, I think love is a bore. Let's give the tempo a shove and raise the stakes a bit more. One thing I'm positive of, it's time for someone to score. Tell me how you like to play. On grass or clay and every day. They're both okay. But time is running short. Darling, let's don't dilly-dally. Ready for a rousing rally. Shall we say the ball is in your court? Victor Cuneau, le professeur de claquettes de 42e rue, programme aujourd'hui 42e rue sur France Musique. Et alors, surprise, pas un moment de claquette dans ce numéro qui s'intitule The Tennis Song, une chanson de Cy Coleman dans la comédie musicale City of Angels. C'était James Naughton et Didi Oti. Oui, pas de claquette, mais pourquoi ce morceau vous plaît ? C'est pas parce que je suis chorégraphe, prof de claquette, danseur à claquette, qu'il n'y a que des claquettes dans la vie. Et quand même, on est toujours dans le domaine de la comédie musicale. Et j'adore ce morceau, j'adore City of Angels, parce que c'est un pastiche des clichés de 1940, mais savamment modernisé, avec un swing terrible et des arrangements absolument superbes. Et j'adore cette chanson parce que une espèce de double sens, hein, on parle de tennis, mais en fait, ils sont en train de se draguer. Donc, et ça fait le charme aussi du texte de cette chanson. Alors, autre choix de claquettes, Victor Cuneau, ça m'a intrigué le terme d'ailleurs, les claquettes militaires. On va voir un extrait là avec Gene Kelly, encore plus surprenant. Qu'est-ce que c'est que les claquettes militaires? Et en même temps, c'est vrai que quand on regarde les vieux films des années 40, il y a pas mal de... presque de fanfare, de marche avec des claquettes extrêmement... voilà, pour le coup, c'est carré. Hein. Ben oui, c'est très, très facile à comprendre. Vous prenez le rythme du tambour. Vous faites ça en claquettes. Et c'est des claquettes militaires. Et ça, c'est né comment? C'est né aussi pour Broadway ou c'est né uniquement pour aider quand les artistes de Broadway ou d'Hollywood allaient soutenir les soldats dans leur caserne pendant la guerre? Non, le military tap était un des styles de claquettes. Un style relativement très ancien, parce que toutes les claquettes vont toujours avec la popularité d'une certaine musique. Alors, John Philip Sousa et ses fameuses marches, etc. Ouais. Donc, les danseurs allaient faire des danses là-dessus. Et souvent, évidemment, c'est ce qu'on appelle des drill routines. C'est-à-dire, vous avez 16 girls qui marchent dans un sens et dans l'autre et qui font ça en ligne très précis avec le fusil quelque part. Les figures, si je vous demande de m'en faire deux petites dizaines aux pieds, ça sonne quoi? Alors, ça donne. C'est facile à faire, c'est uniquement avec la pointe des pieds ou... Non, c'est toujours un mélange de souvent. Hein. Ouais. Alors, la base du military tap, c'est le cramp roll. Le cramp roll, c'est-à-dire un roulement. Ouais. Un roulement, ça fait shabradam. Quand je dis tram, ça fait. Et ça, C'est pointe, pointe, talon, talon. J'aurais pu, expliquer ça en tant que prof à votre émission. C'est le cramp roll. Et maintenant, avec ça, vous prenez un rythme, vous dites trampapa, trampapa, trampa, shabbat, tatata. Voilà, et ça, c'est le military tap. Une partie 2. For a date, I take a comb and I comb my hair. I take a flower, smell it, and put it in my lapel. And then I spot the audience. Once my clothes were shabby, tailors called me cabby. So I took a vow, said this bumblebee, bo brummel. Now I'm smooth and snappy. Now my tailor's happy. I'm the cat's meow. My wardrobe is a wow. Harris silk, Harris tweed. There's only one thing I need. Got my tweed pressed, got my best vest. All I need now is the girl. Got my striped tie, got my hopes high. Got the time and the place, and I got rhythm. Now all I need's a girl to go with them. If she'll just appear, we'll take this big town for a whirl. And if she'll say, my darling, I'm yours, I'll throw away my striped tie and my best pressed tweed. All I really need is the girl. I start easy. Now I'm more debonair. Shh. I sell it here. I start this step, see? Appears all in white. I take her hand and kiss it and lead her on the floor. This step is good for the costume. A stair bit. La da da da da da da da da da. Now we waltz. Strings come in. And I lift her. Again. Once more. And now the tempo changes. And all the lights come up. I build for the finale. The wings are set. Up to here. You can have. Now follow me. Faster. Faster. Again. Again. Un superbe numéro de claquettes dans Gypsy, la comédie musicale de Julie Stein. All I Need Is a Girl par Paul Wallace. Votre choix, Victor Cuno, vous qui nous recevez dans votre école de danse à Paris, Swing Tap. Bah, pourquoi ce choix? Enfin, évidemment, c'est des claquettes géniales, mais il y a peut-être une raison. Bah déjà, la musique, elle est géniale. Ouais. Il y a de l'ambiance. Et le mec, il rêve d'aller sur scène, sur un Broadway, parce que ça se passe en coulisses, dans un rehearsal hall. Et donc, il présente à sa partenaire son rêve, comment il va faire les claquettes et comment il va amener et comment il sera habillé et tout ça. Et Julie Stein a composé ça merveilleusement bien avec une mélodie qui pousse à l'attente et à l'espoir. Et après, le reste, c'est comédie musicale, c'est un peu lent, il y a un peu de valse. Et après, on finit en un grand swing pour faire kick, etc. Et c'est juste formidable. Donc du coup, c'est pour ça que ça démarre tout lentement. En fait. Oui, ça démarre tout lentement parce qu'il veut dire, il veut montrer comment il élabore son numéro avec sa partenaire et comment il l'apporte, comme ils font un petit pas ensemble, comme ils font un peu rentre dedans et après ils font grand pas pour la finale. Et je trouve la progression de ce numéro extraordinaire. 42e rue, Laurent Vallière, France Musique. Et aujourd'hui, pour la fête de la musique, on est chez Victor Cuno, ou plutôt à l'école de claquettes de Victor Cuno, Swing Tap. Vous vous rappelez peut-être que durant le confinement, Victor nous donnait des cours de claquettes chaque semaine dans 42e rue. Tout comment fait. Vous avez appris les claquettes? Je disais, ça fait 30 ans que votre école est créée. D'où ça vient? Il n'y a pas tant de... On connaît Fabien Ruiz en France, mais il n'y a pas tant de spécialistes de claquettes en France. Il y en a quand même, mais ils ne sont pas tous très très connus. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir tourner avec Colin Serrault relativement tôt. Et donc, j'ai fait des choses comme ça qui sont un peu sorties. Et après, j'ai fait comme tout le monde. J'ai fait des choses à droite et à gauche. J'avais pendant un temps ma compagnie. Mais je voulais toujours faire des claquettes. Mais ma mère ne voulait pas que je rajoute les claquettes. Et donc, il fallait que je trouve un prétexte pour faire des claquettes. Et le prétexte, c'était que j'étais dans une troupe de chansonniers. Et... pour un nouveau programme, on avait besoin d'un gangster à Chicago qui fasse des claquettes. Et là, j'ai dit, je fais des claquettes. Et c'est là que j'ai commencé. Les claquettes, c'était en Suisse. J'étais encore au conservatoire de Bâle. Et ensuite, je suis venu à Paris pour essayé de pousser plus loin et j'ai très vite compris qu'il fallait quand même aller un peu aux États-Unis. Je suis allé à New York et là, j'ai rencontré Henry Letang. Alors, Henry Letang, c'est un éminent prof de claquette. C'était un éminent prof de claquette, chorégraphe. Parmi ses disciples, il y avait donc Gregory Hines, Savion Glover et une flopée de stars américaines. Ouais. Et il a fait les chorégraphies du film Cotton Club, du film Tap. Il a fait des comédies musicales à Broadway avec les Hines Brothers. Quel était son secret? Donc, vous avez suivi des cours avec lui. Donc, j'imagine que vous qui êtes prof, maintenant, vous essayez de transmettre ce savoir. Mais qu'est-ce qui fait la différence des claquettes américaines, en fait? Mais si vous voulez, moi, je suis d'une génération avant Internet. Donc, si vous voulez apprendre des choses, on ne pouvait pas aller sur YouTube. Il fallait aller voir un professeur qui connaissait beaucoup de choses. Et Henry Letang connaissait simplement tout. Il était époustouflant. Et quand j'ai regardé après les numéros de Nicholas Brothers, il connaissait les pas de Nicholas Brothers, il connaissait pas des Four Step Brothers, il connaissait tout. Et il mélangeait le rythme très afro-américain avec un style de, quand même, danse très théâtrale. Donc c'était un savant mélange et franchement, il connaissait tout. Bon, j'ai la chance d'être dans votre studio, dans votre école, avec toute l'équipe de France Musique. Vous pouvez nous montrer, nous faire entendre deux pas que vous a appris Henry Letang qui vous ont marqué. Ben oui, absolument. Je veux dire, c'est pas difficile. Alors, Henry Letang faisait beaucoup de rhythm tap. Oui, mais le rhythm tap des années... Qu'est-ce que c'est le rhythm tap? Alors, le rhythm tap, c'est un style qui a émergé dans les années 1930, qui était plus axé sur le rythme jazz. Oui, tout en gardant quand même une présentation personnelle du danseur. Alors, ça donnait par exemple ça. Voilà. Donc, ce chose-là que je me souviens très, très, très, très bien. Mais je veux dire, il connaissait tous les styles, Henry Letang. C'est ça qui était époustouflant. Alors là, on va entendre un extrait d'une comédie musicale qu'on a vue à Paris, puisqu'elle a été créée à Paris. Il a chorégraphié certains numéros, c'est Black and Blue. Il a carrément tout chorégraphié. Il a tout chorégraphié dans Black and Blue. C'était lui tout seul. Alors, c'est un numéro qui s'intitule The Rhythm Man. C'est du rhythm tap qu'on va entendre là? Non, c'est du rhythm buck. C'est trop compliqué pour moi. Et alors, c'est quoi, en deux mots, avant qu'on l'entende? The rhythm buck, c'est un style relativement rapide. Ouais. Qui est quand même relativement à plat. Donc, c'est du Bill Robinson, mais avec beaucoup de talons. Alors, allez-y, juste pour qu'on sache qu'on reconnaisse ça dans le morceau. Alors. Voilà, par exemple, ce genre de choses-là. Évidemment, avec beaucoup de danseurs qui bougent en ligne. Hein, c'est ça aussi le secret de ce genre de numéro de groupe. That Prison Man, extrait de Black and Blue, la revue noire qui a été créée au Châtelet avec les chorégraphies de votre professeur, Victor Cuneau. Mentor, Henri oui. Letang. Vous aviez d'autres mentors comme ça à New York? Oui, j'avais un autre j'avais deux autres. J'avais commencé avec Bob Hardy. Bob Hardy était un éminent professeur de claquette blanc qui venait du concert tap. Alors c'était encore une autre filière des claquettes initiée par Paul Draper qui menait des extraits de danse classique à travers les claquettes, donc beaucoup de gestuels dans ce style-là. Et après, j'ai travaillé avec un vrai rhythm tapper, Chuck Green, un black. Et Chuck Green était à moitié fou, mais absolument adorable. Et je l'ai invité en France et nous avons fait des tournées ensemble. Et donc, il voulait absolument me montrer tout ce qu'il savait faire. Donc, il y avait, après, ayant bien mangé et bien bu, à 1h du matin, il me disait, tu sais, tu connais ce point-là? J'ai dit, oui. Là, regarde, fais-moi ça. Et fais-moi ça. Et ça allait jusqu'à 3h du matin. Et j'avais après encore 3h de boulot pour tout noter, pour ne pas rien oublier, parce que ça allait super vite. Et je voulais pas, c'était quand même de l'histoire vivante. Hein. Comment vous notez? Il n'y a pas de partition pour les claquettes? Il n'y a pas de partition style musique, mais on peut quand même noter. On note le rythme, on note ce qu'on fait techniquement. Flap heel, dig back flap, et un autre le rythme qui va avec. Donc, c'est parfaitement lisible. Alors, dites-moi, est-ce que c'est comme pour le solfège, il faut apprendre très tôt à faire des claquettes, ou on peut s'y mettre à n'importe quel moment, vous qui avez une école ici, où il y a 250 élèves? Mais disons que si vous commencez tôt à 5 ans, 6 ans, c'est un avantage. Moi, j'ai commencé, j'avais 21 ans, donc je suis complètement désavantagé par rapport à ça. Mais bon, il fallait d'abord trouver un prof et l'occasion. Évidemment, les enfants apprennent tellement vite. Ça serait un grand tort de s'en priver. Alors, vous voulez nous faire un cadeau pour terminer cette émission. Vous m'avez déniché une chanson de Judy Garland et vous m'avez dit, c'est quand même étrange, c'est une émission c'est un extrait pour son émission Le Judy Garland Show. Mm-hmm. Elle était avec Donald O'Connor. C'est un soft shoe et c'est bizarre, on voit rien, on n'entend rien. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça, c'est une histoire assez drôle parce que j'ai écouté la bande-son qu'ils ont pré-enregistrée. Ok, déjà à l'époque, c'était dans les années 60 et on faisait du playback à la télé. Ok, alors donc j'écoute la musique et ils chantent la chanson et après c'est clair, il y a une plage instrumentale prévue pour les claquettes. Et après je regarde l'émission et effectivement, ils font des claquettes, mais ils ont des espadrilles aux pieds et aucun son enregistré. C'est très joli à regarder, mais on n'entend rien. Mais on n'entend strictement rien. Alors du coup, comme on est à la radio, vous nous avez proposé de faire des claquettes dessus. Combler les blancs. Alors c'est à vous. When me and my Alice was playing the palace in 25, there wasn't a word of we never had heard of that thing called jive. When we got the chance to go into our dance, there was just one dance alive. We gave him the old soft shoe. There wasn't a number suggesting a rubber on all the bills. And as for the conga of Madame Lusanga, it just was nil. They'd all of them paid in the balcony trade, wouldn't leave their seats until we gave them the old soft shoe. Dances come, dances go, like the changes of a moon. For a fatty is always short and sweet. But you can still stop a show with a lazy daisy tune and the easy breezy patter of your feet. It just couldn't happen, the music for tapping was gone, amen. For science has found that the music goes on till it comes back again. And old Swanee River will flow on forever because they played it when we gave them the old soft shoe. Thank you. we gave him the old soft shoe. Old Soft Shoe, c'était Judy Garland, Donald O'Connor et aux claquettes, spécialement pour la 42e rue de France Musique, Victor Cuneau. Merci beaucoup. Mais de rien. Elle réouvre quand votre école après toute cette histoire de confinement ? On espère fortement qu'on puisse redémarrer normalement en septembre. D'accord. Ça fait quand même un 6 mois. Ça très fait difficile, tout hein. un grand trimestre tout l'été de perdu. En tout cas, vous travaillez, vous m'avez dit, avec votre fils pour un grand projet d'entraînement de claquettes pour Internet, c'est ça ? Oui, tout et à un fait. Un dictionnaire de claquettes ? Oui, oui. C'est-à-dire qu'on estime qu'il peut avoir d'autres événements du même style, ou simplement il y a toujours des grèves, des choses qui font qu'on ne peut pas venir physiquement au cours. Alors nous faisons des modules d'entraînement pour que les gens puissent réviser à la maison. Ce n'est pas des cours, c'est juste des modules techniques, 5 minutes. On se dit, aujourd'hui, je vais faire flap hill, aujourd'hui, je vais faire shuffle step ou quelque chose comme ça, ou un pas classique comme le time step, que je ne vais pas vous expliquer maintenant parce qu'ils seront encore là à 2h du matin. Et voilà, et donc on espère que les gens vont s'intéresser à ça et que surtout, ça va les aider. Merci, merci, bonne fête de la musique, Victor Cuneau. Merci Laurent. On a mis tous les liens des vidéos, des numéros diffusés aujourd'hui sur la page de l'émission 42e rue. Et puis, chers auditeurs, vous le savez, vous pouvez vous abonner au podcast de 42e rue et nous suivre sur les réseaux sociaux. On est dimanche et j'ai le plaisir de vous donner rendez-vous ce soir sur France Musique à 20h. J'aurai le plaisir de présenter avec Amélie Moreau la grande fête de la musique de France Musique. On sera en direct au studio 104. Je vous promets au programme du classique, de la musique du monde, du jazz, avec aussi l'Orchestre National de France et l'Orchestre Philharmonique de Radio France. Mais aussi, vous me connaissez, un peu de comédie musicale. C'est en direct à partir de 20h. Et puis ce n'est pas tout. À 23h, France Musique vous proposera de réécouter notre grande soirée. 42e rue fait son show de décembre dernier. Je vous promets 2h30 de comédie musicale en public avec le grand orchestre de 42e rue ce soir à partir de 23h. Voilà, je vous souhaite une très belle journée de fête de la musique. Merci à Martine Moni qui m'a aidé à préparer cette émission, à Sandrine Malon pour la prise de son ici à Swing Tap, et merci à Lionel Quentin pour la réalisation. Dans un instant, vous retrouverez Frédéric Lodéon. À réécouter sur francemusique.fr.